si j'arrête le rap, j'ai pointe la 09. Je suis en location, je te récupère. Je suis pas prêt à rencontrer ton père. J'ai pas fait médecine, mais dans le bloc que j'opère. On manie les armes et la langue de Molière. Au jaloux, je cache un gros molard. Mon pote a de la petite fait somnoler. Gros billet couleur et épinard. Il m'en faut 10 000 pour m'isoler. Je suis solo, jaune. Je suis sous alcool. Je parle à plus personne. J'ai plus de cola, sonne. Je suis solo, jaune. Je suis sous alcool. Je parle à plus personne. J'ai plus de cola. Au jaloux, crache un gros molard. Mon pote a de la bague qui fait somnoler. Gros billet couleur épinard. Il m'en faut 10 000 pour m'isoler. J'cosis sur ma vie. Tard la night, j'fais le tour de la ville. J'connais genre de meufs. J'sais qu'elles aiment les gros bolides. J'cosis sur ma vie. Tard la night, j'fais le tour de la ville. J'connais genre de meufs. J'sais qu'elles aiment les gros bolides. Gros bolides, j'fais le tour de la ville. Gros bolides, j'fais le tour de la ville. J'cosis sur ma vie, tard la neige, j'fais le tour de la ville. J'connais ce genre de meuf, j'sais qu'elles aiment les gros bolides. J'ai zoné toute la nuit, qu'est-ce que j'vais faire ma vie? Elle marcelle sur mon tête, j'réponds pas, I'm sorry. Grosse merco dans la story, évidemment elle apprécie. Mon but avec toi il est précis, on s'en fout du passé, l'avenir est plus précieux. En vrai dans la vie faut pas se presser, c'est pas pratique, frigo vite faut encaisser. J'ai fumé là où tu as apaisé, j'connais ce genre de mec qui veut juste te baiser. J'suis solo, jaune. J'suis sous alcool, j'parle à plus personne, j'ai plus de cola, sonne. J'suis solo, jaune, j'suis sous alcool, j'parle à plus personne, j'ai plus de cola, sonne. Au jaloux, j'crache un gros molard, mon pote a de la bague qui fait somnoler. Gros billet couleur épinard, il m'en faut 10 000 pour m'isoler. J'cosis sur ma vie, tard la night, j'fais le tour de la ville. J'connais genre de meufs, j'sais qu'elles aiment les gros bolides. J'cosis sur ma vie, tard la night, j'fais le tour de la ville. J'connais genre de meufs, j'sais qu'elles aiment les gros bolides. Gros bolides, j'fais le tour de la ville. Gros bolides, j'fais le tour de la ville. J'cosis sur ma vie, tard la night, j'fais le tour de la ville. J'connais genre de meufs, j'sais qu'elles aiment les gros bolides. Je parle à plus personne, j'ai plus de cola, sonne. J'suis solo, jaune, j'suis sous alcool. Je parle à plus personne, j'ai plus de cola, sonne.